Mimésis. Chapitre 2. Œil play. Les fourchettes raclent le fond des gamelles. On y trouve une nourriture insipide, vaguement brunâtre, qui craque ou coule sous la dent selon les goûts de chacun. Un cocktail de nutriments et de vitamines. Le strict minimum aux frais de l'administration. Vivement que j'ai de quoi me payer un exhausteur. J'en peux plus de cette bouffe de merde. 500 boules que ça coûte ce machin, 6 mois de salaire, rien que ça, mais après... Après, quel pied, putain. C'est Bibi qui régale. Ils te collent une de leurs puces dans le pif et c'est l'orgie buccale matin, midi et soir. Franchement, je comprends pas ces mecs à qui suffisent quelques pixels de couleur. Moi, je tuerais pour avoir du vrai. Après l'augmentation de la vue, désormais accessible au plus grand nombre, les grands acteurs sensoriels avaient conquis le goût et l'odorat. Une technique encore balbutiante, plus invasive, mais déjà adoptée par les équipés les plus intrépides. Depuis quelques mois, tout l'Internet encensait ces exhausteurs miraculeux. L'invention promettait rien de moins que l'abolition de la malbouffe, au moins virtuellement. À table, on croise jamais les beaux galons. Les chefs prennent leur repas à part, distinction oblige. On dit même qu'ils ont de la vraie viande, pas de la merde reconstituée. C'est beau de rêver. Mais voilà que mon chef déboule dans la cantine et me prend à partie, comme ça, devant tout le monde. Et me demande de le suivre sans broncher. Doucement, du con. C'est pas comme si j'allais taper un scandale. On descend ensemble au labo dans un silence de mort. Pardon pour le du con. Je l'ai peut-être dit dans ma tête, mais le patron a l'air d'avoir bien saisi le message vu son air renfrogné. Je vais faire un peu profil bas. Les câbles courent de partout, s'enchevêtrent comme au siècle précédent. Les ingénieurs ont appris à aimer cette électronique d'arrière-garde. Ils en connaissent les moindres composants, leur confieraient leurs secrets les plus embarrassants. À l'heure de l'impalpable, le physique fait tâche, mais l'office n'est que faire de la crasse. La machine a parlé. À travers les yeux de la victime, nous revivons ces dernières heures. La vidéo est de piètre qualité, comprimée pour une intelligence inhumaine. Mais l'ensemble reste exploitable à qui sait regarder. On se fait vite au soubresaut des globes. C'est d'abord une nappe noire, agitée de quelques traînées grises quand les paupières s'entrouvent dans un demi-sommeil, puis les premières lueurs d'un soleil terne. La belle se lève, enfile une robe à même la peau. Elle habite un appartement dépouillé. Quelques coussins, un lit, pas de décoration. D'un placard, elle se sert un bol de granules. Impossible d'y connaître le moindre plaisir. Une douche qui traîne malgré elle, puis la voilà qui s'installe devant une table vide. Il reste des heures à tapoter. Sans son, la vidéo est vite ennuyeuse. On passe. Il fait nuit. On reconnaît la rue du crime. Elle sonne à l'entrée d'une résidence délabrée, approche son visage trop près de l'interphone. L'appartement est au dernier étage. Elle marque chaque pas, un peu solennelle, semble hésiter. Au bout du palier, on l'attend. C'est pour ça que le boss était furax. Le visage du suspect est masqué. Enfin, je veux dire, flouté. C'est impossible. Les augmentations sont normalement appliquées à la volée, et jamais sauvegardées. Je me demande un instant si les techs n'ont pas modifié le rush pour me faire une mauvaise blague. Pas le temps de faire dans la parano. Je reprends l'examen de la vidéo. L'homme porte un costume chic, un peu suranné. À son veston, une pochette bordeaux. On aimerait zoomer pour y trouver quelque initiale, mais la définition limitée empêche tout coup d'éclat vidéographique. Tu repasseras, Sherlock. D'une main tendue qui laisse entrevoir une chemise et, oui, des boutons de manchette, L'homme invite la victime à le suivre. La chambre est sombre. Un spot éclaire le lit. Place aux acteurs. D'abord la jeune femme que l'on déshabille lentement. L'inspecteur a dû en voir des passes à la première personne. Il y a toujours quelque chose de fébrile dans le regard, cherchant d'abord le corps sous les vêtements pour mieux le fuir pendant l'acte. Ça ne dure jamais que quelques secondes. Assez pour supporter les coups de butoir et les allaitements porcins. Elle, en revanche, dévisage son client. On lui a demandé d'être fière et elle s'exécute. Sans doute pour mieux la rabrouer. J'aurais pu le prédire. Voici déjà la première volée de coups et la tête soudain projetée à droite. Attends, mets sur pause. Tu peux m'éclaircir la zone, là? C'est quoi, ça? On dirait un putain de fauteuil. Il y avait juste un lit dans la pièce. Bordel, j'ai pas vérifié les traces au sol. Affaire classée, mes couilles, oui. Et ce flou sur les visages, ça c'est sûr c'est pas légal. Va falloir contacter le fabricant pour qu'il s'explique. La vidéo reprend. Les claques pleuvent, d'abord au visage, puis sur les seins. L'homme n'y va pas de main morte, mais elle tient bon. On l'allonge sur le lit. Le corps du client la recouvre. Rien que du très ordinaire, une peau blanche couverte de poils noirs, la brioche d'un embonpoint naissant. Ses flasques et sa bouche par à coups laissent partout ses follicules comme autant d'appels au secours. Arrêtez-moi. Soudain, l'homme a une idée. Il se retire et son sexe encapsulé peine à garder consistance. D'un sac, il sort corps des foulards, du matos SM. Elle lève les yeux au plafond, atone. Le juge peut-être en son tréfonds. On la fait asseoir, lui lit les poignets. Un baiser, et c'est le noir complet. On n'est pas plus avancé. Un visage, merde, c'est tout ce qu'on voulait. On trouvera forcément de l'ADN, on en trouve toujours. Mais si le mec n'est pas connu, on va mettre des plombes à le retrouver. En même temps, moi qui voulais un peu de challenge, je suis servi. Par principe, je vais au bout de ma lecture. Quand la lumière revient, la fille est morte depuis quelques heures et moi, je lui ôte son bandeau.